qui n'a pas créé le monde en moins d'une semaine. Pourquoi vas-tu dormir à l'ombre après le sixième? Aime-moi, oui, aime-moi toute la semaine. Aime-moi, oui, aime-moi aussi le septième. Toi qui n'as pas au premier jour fait naître la lumière, me donneras-tu cet amour qu'en secret j'espère? Aime-moi, oui, aime-moi toute la semaine. Aime-moi, oui, aime-moi aussi le septième. Déjà tu vis dans les étoiles 6 jours de la semaine. Il vaudrait mieux que tu dévoiles ton cœur le septième. Aime-moi, oui, aime-moi toute la semaine. Aime-moi, oui, aime-moi aussi le septième. Je sais qu'ici tout te ressemble.